savez ce qu'on dit de l'OUA, on l'a dit aussi à un moment des Nations Unies. Le problème est de savoir s'il n'y avait pas les Nations Unies, s'il n'y avait pas l'OUA, est-ce que ce ne serait pas pire? L'OUA est déjà un cadre de dialogue et de concertation. C'est quand même extrêmement important. Lorsque les gens arrivent à se parler, lorsque les gens arrivent à entamer un dialogue, c'est un progrès vers la recherche d'une solution pacifique. L'OUA a également mis en place un mécanisme de règlement des conflits, de prévention, de gestion des conflits. Je pense que, bien sûr, on peut toujours faire mieux. Et je crois qu'il faut chercher à faire mieux. Enfin, nous avons là déjà un outil de concertation, de dialogue, qui est important pour nous dans la recherche de solutions aux conflits qui secouent à l'heure actuelle le continent africain. Dans les mêmes circonstances, mais plus critiques, l'intervention du ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Jacques Baudin.